Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet, tous les week-ends quoi. Eh bien, suite de l'émission d'hier, parce qu'on va retrouver certains disques que nous avons écoutés déjà dans l'émission d'hier qui seront programmés ce matin. Mais pour ouvrir, on va écouter un concerto de Cimarosa, Domenico Cimarosa, qui est un vrai faux concerto. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ce concerto est en fait un concerto pour hautbois qui a été arrangé par on ne sait qui, d'après trois sonates pour piano de Cimarosa. Et donc, un auteur anonyme, un compositeur anonyme en a fait un concerto pour hautbois. Et en plus, là, on va l'écouter dans une version pour trompette et orchestre. Voilà, tout est dit. Cimarosa, c'est un des grands compositeurs d'opéra de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il était originaire de Naples. Il est l'auteur d'un opéra très célèbre, Le mariage secret, mais aussi de l'Italienne à Londres et d'autres chefs-d'œuvre de l'art lyrique de cette époque-là. Compositeur important et toujours agréable à écouter. Voici le début de ce concerto pour hautbois dit de Cimarosa, mais pas tout à fait, dans une version pour trompette, avec la trompette de Gabor Boldzowski et l'ensemble I Muggici di Roma. Thank you. Le début du concerto pour hautbois dans une version trompette de Domenico Cimarosa avec Gabor Boldoski à la trompette et l'ensemble I Muggici di Roma. Centenaire de la mort de Puccini, peut-être y aura-t-il des commémorations particulières, peut-être sera-t-il beaucoup joué, enregistré cette année, j'en sais rien. Il est mort en 1924, gros fumeur, fumeur invétéré, peut-être d'ailleurs. Est-ce que c'est ça qui l'a tué? On ne sait pas. Mais enfin, en tout cas, Puccini a bien vécu. Il a eu une vie trépidante. Et il avait connu son premier grand succès à l'opéra avec Manon Lescaut. Mais bon, c'est vrai que l'opéra, l'essentiel de l'œuvre de Puccini est consacré à l'opéra. Il a composé une Missa di Gloria, une œuvre sacrée quand il était jeune, quelques œuvres symphoniques et puis une pièce pour quatuor à cordes, Chrysanthème. Mais évidemment, l'essentiel de l'œuvre de Puccini, c'est l'opéra. C'était son terrain de prédilection. Il maîtrisait les voix comme personne. Et on va s'en rendre compte avec l'un des airs les plus célèbres de Tosca, il y en a tant, c'est Vici d'arte, Vici d'amore. Tosca, qui vraiment fait partie des opéras les plus joués au monde. Le vérisme, c'est comme ça que l'on qualifie cette période où Puccini composait Tosca et d'autres chefs-d'œuvre. Vérisme inspiré de la vie des gens, de la vraie vie en quelque sorte. Correspond un petit peu à l'opéra, ce qu'est le naturalisme en littérature avec Zola. Vici d'arte, Vici d'amor, je vous propose d'écouter cet air avec Mirella Freni et Placido Domingo, l'orchestre Philharmonia est dirigé par Giuseppe Cinopoli. Thank you. Voilà, un extrait de Tosca de Puccini, Vici d'arte, Vici d'amore, avec la belle voix de Mirella Freni et l'orchestre Philharmonia dirigé par Giuseppe Cinopoli. Les orchestres français du dimanche, comme l'orchestre Colonne, l'orchestre L'Amoureux, proposaient le dimanche après-midi des concerts populaires où l'on jouait les œuvres les plus accessibles, les plus spectaculaires, celles propres à séduire immédiatement un large public. Ces concerts avaient énormément de succès à Paris et s'inspirant des concerts parisiens de l'orchestre L'Amoureux, de l'orchestre Colonne, eh bien Boston avait créé son propre orchestre populaire, l'orchestre Bops, le Boston Pops Orchestra, qui, bien sur ce modèle, proposait des concerts avec des œuvres agréables, faciles d'écoute ou spectaculaires. Et longtemps, c'est Arthur Fiedler qui a dirigé cet orchestre qui se produisait en marge de l'orchestre symphonique de Boston, qui lui proposait des œuvres plus cossues, des créations par exemple aussi, ce qui n'était pas le cas forcément du Boston Pops Orchestra, et donc des pages légères aussi qui trouvaient grâce aux yeux d'Arthur Fiedler et du public qui attendait cela en tout cas. Alors on va écouter la polonaise d'Eugène Onegin, l'une des nombreuses pages symphoniques qui figurent dans cet opéra en trois actes de 1879 de Tchaïkovski, peut-être, sans doute d'ailleurs, l'opéra le plus populaire de Tchaïkovski, qui avait glissé peut-être un peu de son propre caractère dans cet ouvrage, exprimant son impossibilité à communiquer. Voici cette polonaise d'Eugène Onegin avec le Boston Pops Orchestra dirigé par Arthur Fiedler. Thank you. Polonaise d'Eugène Onéguine de Tchaïkovski avec le Boston Pops Orchestra et Arthur Fiedler. Je vais revenir sur un coffret dont j'ai déjà parlé dans l'émission d'hier, coffret publié par Scarbo, 10 compacts disques, l'art de Sylvie Carbonel, un répertoire immense, Moussorgski, Beethoven, Messiaen, Debussy et bien d'autres, Schumann qu'elle affectionne particulièrement, Sylvie Carbonel, Liszt, formidable interprète et nul n'est prophète en son pays parce qu'elle est très appréciée à l'étranger et finalement on la connaît assez peu en France, d'où l'intérêt de ce coffret publié par Scarbo. Elle a commencé très jeune, Sylvie Carbonel, sa carrière, et même André Malraux avait dit au début des années 70, je crois que Sylvie Carbonel est destinée à être l'une des musiciennes, des grandes musiciennes de notre temps. On va la retrouver dans Chabrier. J'ai proposé hier un extrait des 10 pièces pittoresques, Le Paysage. Voici Idylle. Et ces pièces pittoresques de Chabrier, il faut les écouter, ou plutôt imaginer des petits tableaux, des scènes un petit peu à la Monet quand on écoute cette musique. Et oui, parce que finalement, on parle d'impressionnisme musical à propos de Debussy. C'est pas complètement faux, parce qu'évidemment, Debussy joue sur la couleur de l'orchestre pour créer des images. Mais en fait, le courant musical qui correspond à l'impressionnisme pictural, c'est Chabrier et ses contemporains. Et donc, des petits tableaux magnifiques, ces 10 pièces pittoresques, je vous propose tout de suite Idylle, sous les doigts de Sylvie Carbonel, et donc un coffret de 10 CD publié par Scarbo, sur lequel je reviendrai dans les émissions à venir. Idylle, tirée des 10 pièces pittoresques d'Emmanuel Chabrier, jouée par Sylvie Carbonel. Et cette année 2024 marque le bicentenaire de la naissance de Biedrich Smetana, compositeur qu'on connaît éventuellement surtout pour la Moldao, tirée du cycle symphonique Ma Patrie, qui évoque la patrie tchèque, qui à l'époque était sous l'emprise de l'Empire austro-hongrois, donc une musique un peu patriotique que celle de Smetana, compositeur qui a eu une existence difficile. Il a perdu ses proches, atteint de syphilis, donc il a souffert de la surdité très très tôt. Et puis ses drames familiaux, la perte de ses enfants, de sa femme, vraiment ont affecté son caractère. Et ça s'entend un peu dans sa musique. Alors ce qu'on va écouter, c'est un extrait de son trio. Le trio pour piano, violon et violoncelle, opus 15, l'une des œuvres les plus célèbres de Smetana, dans la musique de chambre en tout cas. Il l'a écrit après la mort de sa fille Bredisca, et cette œuvre est moins une déploration qu'un portrait de l'enfant. Alors voici un extrait du final, joué par le trio Wanderer, trio de Smetana. La conclusion du trio opus 15 de Biedrich Smetana par le trio Vanderer, peut-être aurez-vous noté qu'à la fin, il y a comme des accents de marche funèbre dans cette musique. Beethoven a lui aussi composé de nombreux trios, et il a même écrit un triple concerto où un trio eh bien, dialogue avec l'orchestre comme un instrument soliste. C'est, je crois, la seule œuvre de ce genre, j'en connais pas d'autres, des triples concertos, sans doute en existe-t-il. C'est une œuvre profondément originale qui date de la première décennie du 19e siècle, période féconde pour Beethoven, mais enfin il a composé toute sa vie énormément, mais bon, les œuvres concertantes datent plutôt de cette période-là. Voici un extrait du premier mouvement de ce triple concerto pour piano, violon, violoncelle et orchestre de Beethoven avec le Beaux-Arts Trio et l'Orchestre Philharmonique de Londres dirigé par Bernard Haitink. Thank you. La conclusion du premier mouvement du triple concerto pour piano, violon, violoncelle de Beethoven avec le Beaux-Arts Trio, l'Orchestre Philharmonique de Londres et Bernard Haitink. Les ballets dans les opéras, ben c'est bien pratique parce que d'abord le public aime ça et puis ça permet d'aérer entre guillemets l'ouvrage avec des scènes de ballet plus ou moins pittoresques et c'est vrai que ça permet également aux chanteurs de reposer un petit peu leur voix. Alors il y en a un peu partout dans tous les opéras, des ballets, c'est bien normal. Verdi en a composé quelques-uns, par exemple dans Aïda, il en a inclus un de ballet. Aïda, opéra en 4 actes de 1871. Écrit pour le Caire où cet ouvrage fut créé et on retrouve un peu le canevas habituel des livrets d'opéra de personnages, de protagonistes amoureux mais dans des camps opposés et qui finiront par mourir ensemble. C'est très beau, très, très triste évidemment, mais c'est vraiment ce que le public au 19e siècle attendait d'un ouvrage d'opéra. Et donc cet opéra, Aïda, a eu immédiatement énormément de succès, déjà rien que pour les trompettes. On va écouter le ballet d'Aïda de Verdi, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Berlin et Herbert von Karajan. Thank you. Le ballet d'Aïda de Verdi, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Berlin et Karajan. Khatchaturian, Aram Khatchaturian, maintenant avec son ballet Gaïanais. Je vous en ai proposé un extrait dans l'émission d'hier, la célèbre Danse du Sabre. Un ballet composé, créé en 1942 au théâtre Kirov de Leningrad, qui a eu immédiatement beaucoup de succès. Il est vrai que Khatchaturian a su se fondre dans la masse des compositeurs, des créateurs de l'époque, parce qu'il fallait évidemment être dans les bonnes grâces du régime pour continuer à composer. C'était Staline qui était le maître de l'Union soviétique. Lui, il était arménien, Khatchaturian, et son pays a beaucoup compté dans ses influences musicales. Et ce ballet donc, a eu beaucoup de succès, mais il a été suivi d'autres grandes compositions qui ont connu aussi un succès international, par exemple son concerto pour violon, formidable, qui a été arrangé d'ailleurs en concerto pour flûte par Jean-Pierre Rampal, à la demande de Jean-Pierre Rampal. Bref, donc un compositeur essentiel. Je vous propose d'écouter la berceuse de ce ballet gaïanais interprété par le Boston Pops Orchestra, dirigé par Arthur Fiedler. Thank you. la berceuse du ballet guyanais d'Aram Khatchaturian avec le Boston Pops Orchestra dirigé par Arthur Fiedler. Mozart, à la fin des années 1770, rentre de Paris. Il est un peu triste parce qu'il aurait aimé bien se prolonger un séjour à Mannheim où habitait Aloïsa Weber, dont il était amoureux. En plus, elle venait de lui faire comprendre qu'il n'y avait rien à espérer. Et donc, Mozart rentre à Salzbourg et là, l'archevêque Colloredo lui commande une messe. Ce sera la messe du couronnement pour la consécration de la Vierge. Je vous propose d'écouter un extrait de cette messe, l'Agnus Dei, chanté par Anna Tomova-Sinto et le chœur Singverein de Vienne, l'orchestre philharmonique de Berlin, sont dirigés par Herbert von Karajan. L'Agnus Dei de la messe du couronnement de Mozart avec Anna Tomova Sinto et l'orchestre philharmonique de Berlin dirigé par Herbert von Karajan. On va terminer l'émission comme celle d'hier avec Bruckner, Anton Bruckner, dont on commémore le bicentenaire de la naissance cette année. Anton Bruckner, originaire de Linz, grand organiste qui s'est produit d'ailleurs à Nancy, en l'église Saint-Èvre en son temps, et qui a composé essentiellement de la musique sacrée et surtout des symphonies monumentales. Symphonie, l'une d'entre elles est dédiée à Wagner parce qu'il avait une admiration sans borne, un fanatisme wagnérien sans limite, Bruckner. L'une de ses autres symphonies, la septième qu'on va écouter, est dédiée à l'empereur François-Joseph, qui régnait à l'époque sur l'Autriche, l'Empire austro-hongrois, bien sûr. Et les symphonies de Bruckner viennent d'être somptueusement enregistrées avec l'orchestre philharmonique de Vienne et Christian Tillmann à la baguette, que je tiens pour l'un des meilleurs chefs actuels, et qui en plus a enregistré pour cette intégrale la symphonie Nullte, la symphonie numéro 0, qui était considérée comme un travail d'étude mais superbe, et une symphonie de jeunesse quasi inconnue. Voici donc le final, très célèbre, de la 7e symphonie, qu'on entend dans Senso entre autres, avec l'orchestre philharmonique de Vienne et Christian Tillmann. Thank you. Conclusion de la 7e symphonie d'Anton Bruckner avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigé par Christian Thielmann. Et bien voilà, notre émission d'aujourd'hui est terminée. On se retrouve samedi prochain et dimanche prochain à 11h pour Discothèque Classique. Restez à l'écoute de Fadjet. Bon dimanche à toutes et à tous.